الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى Donc on va reprendre sans plus attendre sur l'étude des règles exemplaires concernant les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. Tawaqafna, on s'arrêtait lorsque l'auteur dit, à la fin de cette règle, فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ هَذَا اللَّزِمُ لَازِمًا مِنْ قَوْلِ لَازِمَ أَنْ يَكُونَ قَوْلًا لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ لا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو وينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. L'auteur termine cette règle, regardez, en disant, si l'on dit, si le sens implicite découle des paroles d'une personne, il participe nécessairement de ses dires, et on peut lui attribuer. Comme on avait dit dans la dernière assise, on s'était quitté sur cela, l'auteur nous apprend. Donc, lorsque, ici il est traduit par le sens implicite, c'est-à-dire l'impliqué de la parole, ce qui implique d'une parole. Lorsque elle est attribuée à une personne, elle est considérée comme sa parole. Elle est considérée comme sa parole. C'est-à-dire une personne parle, sa parole implique telle et telle chose, lorsque ces implications-là lui sont attribué, alors ça fait partie de sa parole. Regardez ce que l'auteur ensuite dit. Ça constitue en soi une parole. Vous comprenez lorsqu'il dit ça? Donc là, on comprend mieux la traduction. Si l'on dit, regardez ce qu'il dit. Si l'on dit, si ce sens implicite découle des paroles d'une personne, il participe nécessairement à ses dires, on peut lui attribuer, car c'est cela le principe, surtout avec la proximité de l'implication. Nous répondons à cela, il est tenu pour acquis que l'homme, de par sa nature humaine, peut se tromper dans des états d'esprit ou des situations indépendantes à lui, indépendantes de lui, qui le détournent du sens nécessairement impliqué par ses propos. Écoutez bien la traduction, ensuite on va essayer de bien comprendre, c'est très simple. Il peut être inattentif ou distrait. Sa réflexion peut aussi être verrouillée. Ou bien, il peut prononcer une parole dans le contexte incommode d'une controverse, c'est-à-dire pendant un débat. En d'autres termes, pendant un débat. Sans réfléchir sur le sens nécessairement appliqué, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que après, dans cette règle qu'on a étudiée, les indications... Je ne sais pas si on peut rester sur les termes en français, parce que les termes en français, en tout cas, on les a expliqués. Même si on dit par correspondance, vous comprenez le sens. Ce qui correspond au terme, par correspondance, ou par dilal at-tadammun, qui est traduit par l'indication d'inclusion, c'est-à-dire ce qui est induit, ou bien l'indication d'application. Al-muhim, c'est de comprendre. C'est de comprendre, comme a dit précédemment. Donc, on a parlé concernant la parole d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Concernant la parole d'autre qu'Allah et de son messager, la parole des gens, des individus, Cheikh a considéré trois situations pour qu'on puisse attribuer les implications, al-lawazim, les implications des paroles. Trois choses il a citées, trois situations. Lorsque l'auteur de la parole, lui, se conforme et accepte les implications. Par exemple, On lui dit, tu as dit la ilaha illallah. Ça implique que tu n'adores que lui. Ça, c'est l'implication. Lorsqu'il dit la ilaha illallah, il n'a pas dit je n'adore que Allah. Mais en disant la ilaha illallah, ça implique qu'il ne veut qu'adorer Allah. Ça implique qu'il affirme l'unicité et croit en l'unicité d'Allah Azzawajal. Sahulala. Ça, c'est par implication. C'est ça, c'est la parole implique telle et telle chose. Implique telle et telle chose. Lorsque donc la personne accepte l'implication, donc elle lui est attribuée. C'est considéré une parole. Elle lui est attribuée. Le deuxième cas, la deuxième situation, l'auteur nous dit, c'est quand il n'accepte pas clairement. On lui dit, tu as dit telle et telle chose, ça implique ça. Elle dit non. Donc, c'est la deuxième situation. La troisième situation, c'était la situation concernant le fait, ça lui est pas mis en avant. On lui demande pas. Est-ce que tu es d'accord pour ce qui est impliqué, pour l'impliquer, hein, ou l'implicite de ta parole, puisque c'est l'implicite de ta parole, on lui demande pas est-ce qu'il est d'accord, ou bien, à l'inverse, il n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, on lui attribue pas. On lui attribue pas. Et là, l'auteur termine avec une remarque remarquable. J'ai été obligé de qu'on fasse une révision sur ça pour comprendre le dernier paragraphe. Comment conclut l'auteur ? Pourquoi ? Parce que lui, l'être humain, pourquoi il faut considérer ces situations ? Parce que l'auteur, Cheikh Ibn Uthaymeen, nous apprend, nous dit que lui, l'être humain, il a parfois des états ou des situations ou des comportements propres à lui. De sorte que sa parole, comme il dit, regardez, il est tenu pour acquis que l'homme, de par sa nature humaine, peut se trouver dans des états d'esprit ou des situations indépendantes de lui, qui le détournent du sens nécessairement impliqué. Ça veut dire quoi ? Parfois, on est dans des situations, on parle, et par rapport à notre état d'esprit, on ne sait pas que notre parole, elle implique telle et telle chose. C'est pour ça que parfois, on profère des paroles, soit on se précipite, soit on dit des choses, mais on n'a pas mesurer nos propos, nos paroles. De sorte, si une personne nous dit, mais tu as dit telle et telle parole, ça implique telle et telle chose, il va dire, ah non, moi j'ai pas voulu dire ça. Moi je n'ai pas voulu dire ça. Donc selon le contexte, l'individu, lui, parfois il se retrouve dans des situations, il dit des propos, mais l'implicite, les implications de ses paroles, lui, il les reconnaît pas, il s'en rend pas compte que ses paroles impliquent telle et telle chose. C'est pour ça que parfois on dit des propos et à une personne, et parfois on peut les regretter, ou parfois c'est pas ce qu'on a voulu dire, souvent on rappelle la personne, on lui dit écoute, je t'ai dit telle et telle chose, je n'ai pas voulu dire ça. Je n'ai pas voulu dire ça. C'est pour cela que les paroles de l'être humain, avant de lui attribuer l'implicite, c'est-à-dire ce qu'implique sa parole, avant de lui attribuer, être sûr qu'il voulait dire ça. Et dans ce passage-là, Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad fait un très bon rappel, il cite le hadith du prophète, sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nul ne sera véritablement croyant, n'aura pas complété, n'aura pas l'iman, la complétude de la foi, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Vous n'aimez pas qu'on vous attribue des paroles que vous n'avez pas voulu dire. Alors, il ne faut pas attribuer des paroles à autrui alors qu'il n'a pas voulu les dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les implications sont considérées comme qaoul, comme une parole. Donc, si on n'est pas sûr que la personne, lorsqu'il profère des paroles, et elle implique des choses, lui, il accepte les implications de ces paroles-là, il ne faut pas lui attribuer. Comme Cheikh dit, il dit pourquoi ? Parce que peut-être il est dans une situation d'inattention. Regardez, il dit peut-être inattentif ou distrait. Ou peut-être il a la réflexion à ce moment-là un peu verrouillée. Peut-être il est dans une situation parfois avec la fatigue. Il ne sait pas ce que ces paroles impliquent. Il ne sait pas. Et par exemple, c'est pour cela que parfois, vous avez vu par exemple, bon là j'allais donner un exemple, on allait un peu s'écarter, on revient. Il dit, ou bien il peut prononcer une parole dans un contexte incommode de débat. Vous avez vu par exemple, dans le débat, la personne, ce qu'il veut, c'est faire taire la personne et l'emporter face à celui qui est face à lui. L'emporter sur celui qui est face à lui. Donc lui, parfois, il va dire des propos, il ne se rend pas compte des implications. C'est pour ça que ce n'est pas toute personne qui peut débattre. Ce n'est pas toute personne. Parce que lorsqu'on débat, il faut déjà avoir une bonne intention, et l'intention n'est pas de l'emporter, ou l'intention n'est pas de rabaisser la personne qui est face à lui, mais il faut avoir une bonne intention. L'intention, c'est d'arriver à la vérité. Et de connaître la vérité, c'est ça l'intention. Et deuxièmement, les sujets, il faut les maîtriser. Pourquoi? Parce que dans un contexte de débat, on va dire des paroles qui impliquent certaines choses. Et il faut être sûr que les implications soient authentiques. Vous comprenez? Et donc, Cher conclut avec cette très belle ou ce très beau rappel en disant, il peut prononcer une parole dans le contexte incommode d'une controverse sans réfléchir sur le sens nécessairement impliqué, sur les implications de ces paroles, et ainsi de suite. Comme cela, Chéricon, il conclut cette règle. Donc ça, c'était le matin. C'était le matin. Et regardez, dans le commentaire, Chéric, il dit, يعني لو قال قائل هذا اللازم مسكوت عن لم يلزم به القائل فيلتزم أو يمنع أو يرجع عن قولي لكن نحن نرى أنه لازم فيجب أن نضيفه إليه. الجواب. Il dit par exemple, si une personne dit, pour mieux comprendre le troisième cas, une personne, la personne qui a dit une parole, et on se dit, mais ça implique, ce qu'il vient de dire, ça implique telle et telle chose. Ça implique telle et telle chose. Alors, la troisième situation, est-ce qu'on lui attribue, est-ce qu'on lui attribue pas? Certains diront, ah, il l'a dit, sa parole implique telle chose, on lui attribue. Et là, Chéri dit, El-Jawab, c'est là qu'il dit. L'individu est un être humain. La personne, fa'innahu bashar. El-insanu bashar. Le prophète s'enseigne lui-même. Allah dit de lui dans le Coran que c'est un bashar. Il fait partie des êtres humains. Et le prophète, dans un hadith, il dit, inni basharun mithlukum. Je suis un être humain comme vous. Ansa kama tansaun. Fa'idha nasitu fadhakkuruni. Le prophète dit, je suis un être humain comme vous. J'oublie comme vous oubliez. Lorsque j'oublie, rappelez-moi. Il l'avait dit dans une situation de prière, lorsque le prophète sallam avait oublié dans la prière. Et le prophète avait enjoint les compagnons de lui rappeler dans la prière. Puisque c'est lorsque le prophète a fait les salutations que les compagnons ensuite avaient dit au prophète sallam qui l'avait oublié. Et le prophète lui a dit, je suis un être humain comme vous. J'oublie comme vous oubliez. Si j'oublie, rappelez-moi. Rappelez-moi. Regardez, Cheikh, il dit, l'être humain, ou plutôt l'individu, c'est un être humain. Donc il a des situations psychologiques qui lui sont propres. Et des états qui lui sont propres. أحوال نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم. فأحيانا يضيق صدره. Et donc parfois, il y a des moments où il a la poitrine serrée. Il y a des moments où, mashallah, sa conception du ilm, son ilm, est présent, mashallah. Il est, on va dire là, attentif. Et puis il y a des moments, il est dans une situation d'inattention, de distraction. Et il y a des moments, il est préoccupé. Ça, c'est les situations, les différents états de l'être humain. De l'être humain. Ala kulli hal, il dit, Al-insanu lahu ahwalun nafsiyya qad yathkuru al-qawl wa nafsuhu mughlaqatun la yafhamu ma yatarattabu alayhi. Ma يترتب عليه أحيانا يرجح الإنسان قولا على قول سواء في مسائل الاعتقاد أو مسائل الأحكام فإذا قيل له يلزم عن أو على قولك كذا وكذا من الأمور الفاسدة رجع عن قوله أو بعد التفكير فيه يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه وهذا كثيرا ما يقع. Et souvent il dit, même un cheikh, parfois, souvent la personne, il a des avis, il émet un avis, ensuite, lorsqu'on le met face à ses applications, les applications de ses avis, mais ton avis implique telle et telle chose, parfois ils reviennent. يَتَرَجَعُونَ وَيَرْجَعُ Il revient. Lorsqu'on lui met en évidence ce que ça implique. Parce que ça implique. Ça a des conséquences, les avis. Regardez, parfois, nous, on pense que, et on peut donner un exemple dans les questions de jurisprudence. Dans les questions de jurisprudence. Vous savez, les savants disent que lorsqu'on commence à étudier la religion, il y a des étapes. Il y a des étapes. Et dans un très beau livre, Hilyat Talab al-Ilm, le Cheikh Bakr Abou Zayd, il mentionne les étapes du Talab al-Ilm. Il y a trois marches. Et lorsqu'on est dans la première marche, on pense qu'on comprend tout. Et on pense que on a tout saisi et on a tout compris. Et c'est pour ça que on voit beaucoup nastaghrib, beaucoup de débutants, ils débutent, ils commencent à lire, on voit min ammat an-nas et machallah, il a des avis bien forgés. Sur des questions que les ulama ont mis des années et des années pour avoir un avis ferme sur la question. Et pour faire ce qu'on appelle at-tarjih, de dire que dans une question par exemple de divergence, tel avis est l'avis le plus plausible. Par exemple, عندما تكفر تارك الصلاة. Quand par exemple tu excommunies de l'islam تارك الصلاة. المتكاسل. Lorsque par exemple les deux catégories qu'on va voir dans أحكام الصلاة, dans les règles de la prière, il y a celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, la إشكالافي. الجاحد, celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, la خلاف, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de problématique sur cela. Maintenant, la question concernant celui qui croit en l'obligation de la prière, mais la délaisse par paresse. Parfois il prie, parfois il délaisse, il a des périodes. Le jugement, al-ulama, ils ont tellement étudié la question qu'ils ont un avis ferme sur la question. Entre ceux qui considèrent que la yakfur bil kufr il akbar, mais ils sont d'accord, c'est un kufr. Mais la yakfur bil kufr il akbar. Et des savants qui considèrent que yakfur. Ah, ou la ulama. Mais toi, à ton niveau, si tu considères que, par exemple, tu es sûr que yakfur, il sort de l'islam, alors la question de l'wilaya, maintenant, ça a des implications. Lorsqu'un père de famille, il va marier sa fille, toi, tu vas dire au père de famille, tu n'es pas wali. Tu vas lui enlever la tutelle. Al-alim, al-qadi, le savant, le juge, le mufti, an-am, daras, wamtmekin. Mais toi, qui débute dans la science, tu dis à un père qui a éduqué sa fille depuis toute petite, sa fille à elle, tu lui dis, Anta, t'es pas le wali. Qawlan thaqila. Donc il faut que tu sois sûr. Idha dhabah. S'il immole de la viande, tu manges pas de sa viande. Elle n'est pas halal. Tu prends pas son témoignage. Idha mat. صلى عليه صلاة الجنازة وما تصلى عليه. Tu pries, tu pries pas. Vous avez vu? Si tu dis yakfur, naam, mais ensuite ça a des conséquences. Est-ce que tu assumes les implications? Est-ce que c'est un membre de ta famille, un proche, qui décède? Il croyait en l'obligation de la prière. L'a délaissé, il priait, près d'aller délaisser. Tu vas prier pour lui, sur lui, al-janaza? Idha dhabah yom al-aïd, s'il immole une bête, tu manges de sa viande? Moi, je ne vous donne pas d'avis. Je ne vous dis pas que yakfur ou ma yakfur. Je ne rentre pas dans cette question-là et dans le détail de cette question. C'est un exemple de dire que les propos ont des implications. Les propos ont des implications. C'est pour cela que les ulama, les savants, vraiment yata'ammaqoun. C'est pour ça qu'ils s'approfondissent sur la question. Ils observent les textes. Ils observent les textes. Le Coran, la Sunna. Lorsque l'alim, il émet un avis, c'est qu'il est convaincu. Lorsqu'il vous dit ça, ou il vous dit ça, le savant, c'est qu'il est convaincu. Ana, il a l'yom. Bon, c'est pas non plus quelque chose de... Il a l'yom, pourtant, cette question-là, on la lit depuis longtemps. Il a l'yom, mais adli. Ce que je sais pas. On se remet à la fatwa de ulama. Sinon, la masala, kabira. C'est une grande question, parce que ça a des lawazim. Ça a des conséquences. Et on voit des frères, ils veulent se marier. Tu lui dis, le père, il est d'accord? Non, il ne fait pas salat. Il ramène son ami. Il ramène son ami qui va faire le wali. On ne dit pas que ce n'est pas un avis. Mais ce n'est pas à lui de le dire. Shir Saleh al-Shir, il a donné un avis de l'imam Shawkani. On l'a déjà relaté. Ça ne veut pas dire que l'avis de l'imam Shawkani, c'est un qawl, c'est un avis dans la question qu'il faut suivre. Ça ne veut pas dire ça. Mais Shir Saleh al-Shir, qui est un grand savant, il veut donner l'exemple que At-Talab al-Ilm, c'est pas obligatoire que fi kulli al-masail wa yurajjih kull al-masail indou tarjih kull al-masail. Hada haqq al-muhaqqiq. Ça, c'est l'affaire de al-muhaqqiqin min ahli al-ilm. Mais talab al-ilm, ça veut pas dire que il aura tarjih fi kull al-masail. Et Cheikh al-Shir donne un très bel avis. L'imam Shawkani, c'est un grand savant, surtout connu pour l'ilm al-hadith ou l'ilm al-fiqh. L'imam Shawkani, l'un des plus grands savants qui a connu le Yémen. Et l'imam Shawkani, Cheikh Saleh al-Shir, rapporte de lui, il dit que dans la question, le fait de rentrer à la mosquée, fi waqt nahi. Dans un temps d'interdiction, la personne y rentre à la mosquée. Doit-il faire tahiyat al-masjid amla? Donc des ulama qui disent « Naam, il peut faire tahiyat al-masjid » et des ulama qui « Yamtani'un » de cela. « Al-qawl ma'ruf 'inda ahli al-'ilm » Donc, il y a deux avis connus chez les savants. Des savants qui disent « Min zawatil asbab » a fait partie des prières qui a été à cause d'elle qui peut la faire, et des savants qui disent non. Cheikh Saleh al-Sheikh, il évoque de l'imam Shawkani que lorsqu'il a traité la question « Wa huwa imamun kabir fi 'ilm al-fiqh » lorsqu'il a traité la question, tellement... Et c'est connu. Les deux avis sont qawi. C'est des avis qui sont très forts. Imma hadha al-qawl ou hadha al-qawl. C'est des avis qui sont très forts. Tellement les avis sont forts. Et dans les deux avis, il y a des preuves qui sont immensément pertinentes des deux côtés. Cheikh Saleh al-Shir, je dis bien que le Shir a dit, j'attribue la parole au Shir. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas. Je ne suis pas revenu sur la parole de l'imam Shawkani. Mais le Cheikh, lui, dit que l'imam Shawkani, je ne l'ai pas trouvé. L'imam Shawkani dit, moi je ne rentre pas à la mosquée fi waqt an-nahi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait tarjih. Ni la dit cet avis, c'est le plus plausible. Qol rajih, ni c'est cet avis. Hada imam, l'imam Shawkani. C'est l'imam Shawkani. Attention, ça ne veut pas dire que on suit cet avis en disant « je ne rentre pas à la mosquée ». C'est pas ça que le shir veut dire. Mais il donne l'exemple d'un savant qui a pas d'avis sur la question. Vous savez, il y a des grands savants contemporains sur des masaïls que nous, je ne vais pas dire vous, même moi je me mets que nous, on répond, on dit « la vie le plus juste c'est ça ». Il y a des savants, lorsque vous les interrogez, toute leur vie fait hadith masaïl, ils disent « laisse-moi réviser la question ».« Khalini wa raji al-masala ». Ulama kibar, ça c'est une éducation. Mais celui qui n'accorde pas la valeur à ces masail, pour lui, kul shay sahel. mais il ne sait pas qu'il sera interrogé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant d'enlever le wilaya, la tutelle à quelqu'un, il faut être sûr. Il faut être sûr. Certains lisent un livre en français. Tu lui dis, qu'est-ce que tu as lu? Il a lu un livre en français. Ajib. Il émet des avis, il a lu en français. C'est-à-dire, il n'a même pas lu le texte. Déjà, s'il a lu le texte en arabe, les paroles de l'auteur, déjà c'est quelque chose qui se fait en tarjih. Mais là, c'est en français, c'est-à-dire il a lu la traduction, la compréhension du mot tarjim. On l'a ajib. Taïb. Donc vous comprenez, lorsque Ashir, regardez ce qu'il dit. Sawa'un fi masail al-i'tiqad ou masail al-ahkam, fa'idha qila lahu yalzam ala qawlika kadha wa kadha min al-umuri al-fasidati raja'a an qawli. وبعد التفكير فيه يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه وهذا كثيرا ما يقع ثم قال ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب. Comment on va faire ça? C'est ce qu'il vient de dire, Cheikh. وهذا الشيخ بن عثيمين. Et moi, je suis le premier à prendre le rappel. Cheikh a dit, c'est pour cela que la personne ne doit pas contredire qawl al-jumhur, l'avis de la majorité. L'avis de la majorité. Sauf quand il sait que l'avis de la majorité n'est pas juste. Ajib. لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحَقِّ مَعَ الْجُمْهُرِ. Pourquoi? Il ne veut pas dire que dès qu'il y a la majorité, c'est la vérité. Ou la majorité, c'est une preuve de vérité. Mais il dit, en général, lorsqu'elle a un avis, c'est l'avis de vérité. En général. Mais nous, à notre niveau à nous, déjà, il faut savoir que, quel est l'avis de la majorité? Telle question, quel est l'avis de la majorité? Il faut savoir, premièrement. La majorité des savants disent quoi? Al-Madhahib. L'imam Ahmed, ou l'imam Shafi'i, ou Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou l'Aouza'i, ou l'Thawri, ou l'Aïs ibn Sa'd. Vous savez, il y avait des imams encore immensément savants. Sofyan ibn Uyayna, par exemple, de grands imams. Al-Nakhai, par exemple. De grands imams, ou Ishaq ibn Rahawai. Quel est l'avis de la majorité des savants? Déjà, il faut savoir l'avis de la majorité. Donc, il dit que l'individu, yanbaghi lil insan, an la yukhalif al jumhur, de pas contredire la majorité. Sauf si tu sais que l'avis de la majorité n'est pas juste. Pour savoir que l'avis de la majorité n'est pas juste, ça nécessite vraiment un ilm, une connaissance. Et c'est ce qu'il dit. كذلك إذا وردت أحاديث صحيحة كالجبال تعتبر أصولا في قواعد الإسلام فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية قد تكون شاذة عند التأمل فيها حتى يتبين أن هذه الأحادية صحيحة لابد من القول بها لأن مخالفة الأصول التي تعتبر قواعد الإسلام أمر عظيم لا ينبغي للإنسان أن يشذ عن إلا إذا تيقن. Et là, c'est encore plus pertinent que Dishir. وخلاصة البحث أننا لا ننسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به هذا هو العدل لكن لنا أن نقول إن هذا القول يلزم منه كذا وكذا فهو فاسد لكن لا نقول إن هذا اللازم هو قول فلان. Et ça, c'est très bien parce que en lisant les livres des savants, on est en train de s'éduquer. Pourquoi les savants disent la parure du talab al-ilm, la parure de l'étudiant. Celui qui... Voilà, par exemple, vous allez comprendre. Lorsqu'on dit talab al-ilm, étudiant en science, ça implique quoi? Par exemple, min al-lawazim, parmi les implications. Sahib khuluq. Personne qui a un bon comportement. C'est min al-lawazim. Ça implique qu'il doit avoir un bon comportement. Par exemple, C'est une personne, ça implique que une personne qui a de la retenue. Ça implique. Vous savez, souvent, vous êtes dans des assises de. Par exemple, avec des gens qui n'étudient pas trop, qui lisent pas trop. Il y a des questions qui sont posées, parfois ça parle de religion, et eux, avec facilité, ils répondent. Ils répondent aux questions. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que Al-Mas'ala, en réalité, n'est pas aussi simple que ça. Ça demande l'observation des textes, de la parole d'Allah et de son messager. Al-Muhim, il dit, regardez qu'est-ce que ça implique. Annana, la nansiba lazim al-qawl al-qa'il. Nous, on n'attribue pas l'implicite d'une parole à la personne. On lui attribue pas. Tant que la personne n'est pas d'accord. Regardez, c'est il dit c'est ça la justice. Jusqu'à ce que la personne y ait le tazim. C'est-à-dire, s'il dit une parole, sa parole implique telle et telle chose. On lui attribue pas. Jusqu'à ce que lui, il est d'accord. Il dit oui, je suis d'accord avec ce que ça implique. Oui, je suis d'accord. Sinon, on lui attribue pas. C'est un comportement. Il dit c'est ça l'équité et la justice. Par contre, il dit, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, les implications de sa parole sont fausses, si elles sont fausses, par exemple. Mais on ne lui attribue pas. On ne dit pas un tel a dit. Mais on dit, les implications, la wazim qawlihi fasida, sont fausses. Par contre, on ne lui attribue pas. Sahel ou pas ? Vous avez compris ? C'est très simple. En plus, on apprend le bon comportement en apprenant al-aqida. Wadah al-kalam, vous comprenez ? Taïb. Al-muhim, anna had al-bahth, muhim mujiddan, wa fihi al-adalatu fil hukmi. Et à la fin, il dit, regardez, il dit, quoi qu'il en soit, en conclusion, cette recherche-là est très importante. Et il dit, on apprend d'être juste dans le jugement concernant les autres. Nos jugements concernant les autres, on apprend la justice et l'équité. Le fait d'être juste. Regardez ce qu'il va dire ensuite. Wa'alam anna hada al-bab. وباب الأسماء والصفات من الناس من ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الأسماء ومنهم من ينكر أن الله موصوف بأي صفة ومسمى بأي اسم حتى الأسماء لا يقرون بها لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لزم من ذلك أن يكون مشابها للموجودات فقال أهل السنة والجماعة ويلزم من قولكم أيضا أن يكون مشابها للمعدومات لأن نفي الوجود يستلزم العدم فإنكاركم للوجود معناه إثبات العدم وتشبهونه بالمعدومات وتشبيه بالمعدوم أنقص من تشبيه بالموجود على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيها فذهب غلاتهم وقالوا إذا ننفي عنه الوجود والعدم فنقول ليس بسميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى ولا حي ولا ميت فننفي عنه هذا وهذا أي الشيء وضده فقال أهل السنة والجماعة ما تقولون في الوجود قالوا نقول لا موجود ولا معدوم قالوا إذا شبهتموه بالممتنعات لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما إذ إن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني لا يمكن أن تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم فهو إما موجود وإما معدوم ونظير ذلك الحركة والسكون تقابلهما من باب تقابل النقيضين لأنه لا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعا يعني إذا كان الشيء غير متحرك فهو ساكن وإن كان متحركا فهو غير ساكن ثم نقول ربما نقبل منك أن تقول لا حي ولا ميت بناء على اصطلاحك أن الحياة والموت إنما يوصف بها من له شعور وإحساس وأن الجدار يمكن أن نقول عن لا حي ولا ميت بناء على فهمك وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية أو ميتة فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال لهم إنهم يعبدون أمواتا غير أحياء كما قال الله تعالى في القرآن وعلى هذا فلا يقبل قولك Donc la traduction de ça, on va le remettre à la prochaine assise, Inch'Allah. Donc là, Cheikh nous a donné un très bel exemple. Il nous a donné un très bel exemple, les implications des propos. Les implications des propos. Et dans les premiers siècles, déjà de l'islam, déjà certaines tendances se sont égarées dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils se sont inventés des implications. Ils se sont inventés des implications qui les ont détournés de la vérité, de la compréhension des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Cheikh, il est en train de nous expliquer. Eux, ils ont dit, si on affirme les noms d'Allah Azza wa Jal et les attributs d'Allah Azza wa Jal, certains ont dit, en affirmant les attributs, ça implique la comparaison, comme on a expliqué cela dans les assises précédentes. Certains ont dit, aussi bien les noms et aussi bien les attributs. Les affirmer, c'est affirmer la comparaison. C'est-à-dire, ça implique la comparaison. C'est-à-dire, affirmer les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, ça implique pour eux, déjà dans certaines tendances innovatrices qui ont émergé dans les premiers siècles, se sont inventées ces implications-là. Alors, ils ont dit, ça implique la comparaison. Et donc, de ce fait, ils ont nié. Pourquoi ? Parce que pour eux, ithbat, al-asma, wa-sifat, ça implique, ce sont des implications, vous avez compris pourquoi l'auteur nous apprend les implications. Ça implique pour eux la comparaison du créateur au créature. Or, cette implication est fausse. Ces implications-là sont fausses, elles ne sont pas authentiques. Et donc, déjà dans les premiers siècles, vous allez voir dans ce qui va suivre, dans ce qu'on va étudier, mais pour comprendre tout le reste du livre, il faut comprendre bien cette règle-là, pour bien comprendre. Et ensuite, si on comprend bien ce qui va venir, on comprend bien ces règles-là, alors le lecteur va trouver plaisir à lire justement l'écrit et l'œuvre du Cheikh. Si on comprend bien les premières règles, vous allez voir, vous allez trouver plaisir à lire. Et vous allez comprendre ensuite, dans les premiers siècles, la réponse des gens de la Sunna. Les gens de la Sunna ont dit que ces implications sont fausses. Comme on verra dans la traduction de ce passage-là, Inch'Allah.